Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le film de Steven Spielberg, Jaws, Les dents de la mer. Sortir un requin, c'est pas taquiner la blette ou la perchette dans un étang. Un requin, il avale tout ce qu'il voit. Un coup de dent, un coup d'attendrisseur, et ça descend. Bon, je sais bien qu'il y a urgence. Faut faire rappliquer le touriste, vu que le Pékin, il met du beurre dans les épinards. Mais ce sera tout sauf de la rigolade. Extrait du film de Steven Spielberg, Les dents de la mer, Jaws sera un immense succès commercial. Il s'agit du premier film de l'histoire dont les recettes vont dépasser le cap des 100 millions de dollars. Ce film qui va en quelque sorte lancer la carrière de Steven Spielberg va aussi transformer la manière de mettre en marché des films à Hollywood, en plus de devenir un classique du cinéma américain, évidemment. Steven Spielberg, après Duel et son camion meurtrier, après Sugarland Express et sa meute enragée de justicier, vous êtes allé beaucoup plus loin dans votre troisième film, Les dents de la mer. Avec un seul requin mangeur d'hommes, vous avez réussi à faire peur à l'Amérique entière. Visiblement, vous aimez bien ce genre de thème presque mythologique. Oui, ce qui m'attire, c'est l'ennemi inconnu. Un ennemi plus difficile à affronter que ne l'est un homme. Un ennemi qui peut à la fois vous faire face, vous regarder dans les yeux, et peut attaquer de tous côtés. C'est cela que j'aime. Dans le requin n'est à mes yeux qu'une machine à dévorer. Un meurtrier mythique qui ne s'interroge pas sur ses mobiles. Le requin choisit ses victimes parce qu'il est comme ça. C'est sa place dans la nature. Il ne distingue ni phoque, ni tortue, ni homme. L'homme n'est pour lui qu'une nourriture. Plutôt que de montrer la lutte de l'homme contre l'homme, montrer celle de l'homme contre la nature, cela m'intéresse davantage. Steven Spielberg, le réalisateur de Jaws, Les dents de la mer en français, à l'émission française justement pour le cinéma en décembre 1975, pour nous raconter la petite histoire de Jaws, mon invité est le chroniqueur cinéma Georges Privet. Georges Privet, bonjour. Bonjour, Jacques. En quoi, de quelle manière, ce film-là, Les dents de la mer, Jaws, en quoi c'est un film qui a été si important, Georges? Je pense qu'il est très important pour deux raisons. D'abord, sur le plan artistique, parce que c'est une formidable machine à suspense, un exercice de manipulation cinématographique de très, très haut niveau qui a lancé véritablement la carrière de Spielberg et qui est encore en grande forme une quarantaine d'années après la sortie de ce film, mais aussi sur le plan industriel, le modèle industriel, je dirais, parce que c'est vraiment le premier blockbuster. C'est-à-dire que c'est un film qui a été lancé d'une manière particulière dont on discutera un peu plus tard, qui était inédite à l'époque. Mm-hmm. Et c'est le premier film à avoir, en quelque part, initié cette recette qui, maintenant, on comprend pour acquise, mais qui, à l'époque, était très particulière d'un lancement à très grande échelle, massif. Nouvelle manière de mettre en marché un film. Absolument. Et tout le monde avait reconnu à Universal, la compagnie qui avait produit et distribué le film, que c'était le spécimen de film parfait pour essayer une nouvelle manière de faire les choses, et ça marchait tellement bien que l'industrie cinématographique en a été altérée à tout jamais. Parlons de l'histoire de Jaws, des dents de la mer, avant que ça ne devienne un film, parce qu'il y a un roman qui existe. Avant d'être un film, ça a d'abord été un roman, Jaws. Oui, absolument. Il y a un roman à l'origine de ça, écrit par Peter Benchley, et quand ce film-là commence à être conçu, autour de 1974, Hollywood commence à puiser de plus en plus souvent dans les best-sellers. Il y a eu Love Story quelques années plus tôt, il y a eu Le Parrain de Mario Puzo, il y a eu L'Exorciste. Donc, on se tourne de plus en plus vers la littérature pour trouver, en se disant que si ça marchait en librairie, ça marchera à l'écran. Mm-hmm. Donc, les producteurs Richard Zanuck et David Brown, qui ont fait The Sting, qui était déjà un grand succès, L'Arnaque, paye 150 000 $ avant même la publication du roman parce qu'il flaire le best-seller. Et comme de fait, c'en est un. On en a vendu 5,5 millions de copies avant même la sortie du film. Incroyable. Parce que l'idée excite tout le monde. C'est pas tellement le livre, parce que le livre, quand on le lit après coup, faut bien se le dire, il est vraiment pas terrible. Ouais. Mais il y a une partie du livre qui est vraiment excitante, c'est la fin. c'est le moment où les trois principaux personnages du film vont en haute mer à la chasse à ce requin. C'est essentiellement la partie Moby Dick. Et quand Spielberg lit le livre, il dit « S'il y a moyen de ne faire que ça, que cette partie-là, ça m'intéresse. Ouais, » parce que Spielberg, le livre, un peu comme vous, il juge que c'est pas un très grand livre. Les relations entre les deux créateurs de Jaws, le roman et le film, vont être très, très tendues. Oui, parce qu'il y a trois scénaristes qui vont travailler d'arrache-pied pour essayer de faire un film qui va exciter Spielberg et éventuellement le public à partir d'un livre qui n'est pas terriblement excitant. Ça se sait vite. Peter Benchley sait qu'on ne dit pas beaucoup de bien de son livre, même si on l'a acheté. Donc, il y a des relations assez acrimonieuses entre les deux. Mais ultimement, ça va quand même lancer la carrière de Peter Benchley comme écrivain de best-seller et comme écrivain de best-seller adapté au cinéma avec des films comme The Deep, The Island. Il va se faire un spécialiste des aventures maritimes, si vous voulez. Ça devient son brand, sa marque. Mais effectivement, ça dépendra largement du succès cinématographique du film, parce que oui, le livre était un best-seller avant le film, mais le succès du film va décupler les ventes du livre. Un requin! Un requin! Il y a un requin dans l'estuaire! Il y a un requin dans les temps! Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose! Michael est dans les temps! Il est dans les temps! Il y a un requin dans les temps! Alors, qu'est-ce que ça raconte, ce fameux jazz dont on vient d'entendre un extrait, le jazz de Spielberg, Georges Privet? Ben, tout simplement, ça raconte les ravages faits par un grand requin blanc sur les côtes de la petite communauté d'Amity aux États-Unis, une ville de plaisance d'été, qui deviennent vite tellement immenses qu'on se met en tête de tuer ce requin. Alors, le chef de police local joué par Roy Scheider, un spécialiste des requins joué par Richard Dreyfuss, et un grand pêcheur qu'on a entendu au début de l'émission, qui s'appelle Quinn, joué par Robert Shaw, partent à l'aventure pour essayer de trouver ce requin. C'est essentiellement Moby Dick, mais à la sauce requin plutôt que baleine. Et le tout ponctué d'attaques plus terrifiantes les unes que les autres. Si terrifiantes d'ailleurs que beaucoup de gens à la sortie du film vont être étonnés que l'organisme de censure américain, le MPAA, ait coté le film pour tous, parce que c'est un film extrêmement intense. Donc c'est la peur qui envahit cette petite communauté causée par le requin chasseur, et puis la peur des élus, de l'establishment du coin qui se dit « notre saison touristique va y passer ». Il faut comprendre aussi que le film sort dans un climat post-Watergate. Alors, il y aura toutes sortes de lectures, surtout à l'étranger, politiques, c'est-à-dire conspiration pour taire la menace. Ah oui. Il y a toutes sortes de lectures assez divertissantes du film aussi. Plus récemment, il y a la masculinité hétéro menacée par l'altérité que représente le requin. Ça a donné droit à une succession d'essais assez désopilants. Mais c'est vrai qu'une bonne partie du film tourne autour des tentatives de réprimer les nouvelles qui entourent le requin pour ne pas ruiner la saison touristique. Ouais. On disait à Spielberg, c'est le film qui va le lancer. Il en est où, Steven Spielberg, au moment où Jaws arrive dans sa vie? C'est un très jeune réalisateur, il a 26 ans. Il a fait un téléfilm très remarqué qui s'appelle Duel. Il a fait un long-métrage qui s'appelle The Sugarland Express, qui était un flop. Mais Duel est un téléfilm qui partage beaucoup de points communs avec Jaws, tout simplement parce que Duel racontait l'histoire d'un automobiliste poursuivi à travers le désert pour des raisons complètement inconnues et irrationnelles par le chauffeur d'un immense camion. Alors, dans les deux films, dans les deux projets, on reconnaît la présence d'un ennemi un peu anonyme, irrationnel et de proportions gigantesques contre des forces qui sont petite, insignifiante à côté. Et ça, c'est une dynamique, le jeu des proportions, la tension entre le jeu des proportions qu'on va retrouver très souvent par la suite dans l'œuvre de Spielberg. Et comment il se retrouve à être aux commandes de ce film-là? C'est pas le premier choix. Le projet commence d'abord avec un cinéaste britannique qui s'appelle Dick Richards, qui passera pas l'histoire malheureusement, qui avait fait un film qui s'appelait Farewell, My Lovely. Et comme il n'arrête pas dans les rencontres avec les producteurs de parler du requin comme de la baleine, les producteurs ont l'impression qu'il prend pas vraiment le projet au sérieux. Et quand Spielberg se pointe, ils ont produit produit son premier film, Sugarland Express, et même si c'est un bide, ils reconnaissent que le type a du talent. Donc, le projet lui échoit, mais il doit faire beaucoup de travail en très, très, très peu de temps. Il y a une date de prévue de démarrage à la production, ce qui fait qu'on n'a jamais les acteurs qu'on veut vraiment. Pour le personnage de Quinn, qui est assez fondamental, on avait envisagé Sterling Hayden, Lee Marvin. On se retrouve avec Robert Shaw, qui est un excellent acteur, mais qui n'est pas vraiment une vedette, pas plus que Roy Scheider et pas plus que Richard Dreyfuss à l'époque. Donc, le casting se fait en catastrophe. Le scénario est bouclé au fur et à mesure. Le requin, les trois modèles de requins robotisés qui joueront le requin principal du film marchent plus ou moins bien. C'est une production qui démarre un peu en catastrophe. Ouais. Ce tournage-là va être complètement fou, Georges Privet. Rien ne marche ou à peu près. Qu'est-ce qui se passe? Bien, le principal problème, c'est que le tournage aquatique, ça pose énormément de difficultés, tout simplement parce qu'il faut amarrer les bateaux constamment sur un océan qui amène les bateaux à dériver. Alors, les éclairages dérivent, la caméra dérive, les acteurs dérivent. C'est très difficile de faire conformer le tout à un planning très sérieux, très mesuré, ce qui veut dire qu'une scène qui prendrait normalement une heure à installer en prend trois. Ouais. Alors, du coup, le tournage de ce film-là qui était prévu initialement pour 55 jours avec un budget de 3 millions, ben, devient un tournage de 159 jours qui va coûter 9 millions. Alors, il y a des rumeurs de catastrophes qui commencent à se répandre au studio. Le studio songe même, à un moment donné, carrément à arrêter le tournage et essayer de se rembourser en amenant les trois requins robots qui ont été fabriqués par la production à son parc de divertissement. Robert Shaw, qui joue le marin Quint, a des problèmes d'alcoolisme notoires qui vont aussi retarder le tournage. Ouais. C'est vraiment un tournage infernal couronné par le fait que ces fameux requins ne fonctionnent pas. Ouais. Ils ont été conçus dans une piscine à Hollywood. Personne n'a jamais songé à les tester dans l'eau salée de Martha's Vineyard, où le film va être tourné. Ouais. Alors, littéralement, le premier qu'on met à l'eau coule. Ouais. Et comme ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire, tout le film tourne autour des requins. Ça pose vite des problèmes qui deviennent assez affolants pour Spielberg. Mais c'est là où Spielberg aura un éclair de génie. Nécessité fait loi. Le génie de ce film-là, il tient dans le fait que rien ne marchait et que ces foutus robots ne fonctionnaient pas. Exactement. Et il se dit, que ferait Hitchcock, par exemple, à ma place? Et il se dit, Hitchcock jouerait sur le fait qu'on ne peut pas les montrer. Que ce qu'on ne peut pas montrer est plus terrifiant que ce qu'on voit. Et donc, en ne pouvant pas montrer le requin, il s'agit de tourner l'océan comme s'il était partout, de créer une terreur entre les brefs moments où on l'entrevoit, parce qu'effectivement, quand on le voit dans la réalité, ce requin, on en a vu beaucoup de photos depuis la fin du tournage, il n'est pas très terrifiant. Ouais. Dans le film, ça marche parce qu'il joue sur l'inconnu et parce qu'il y a cette musique extraordinaire de John Williams. Cette musique-là, la musique de John Williams, vous le disiez, Georges Privet, mais c'est un des exemples, ce film, Les Dents de la Mer, où la musique participe de manière très, très importante au succès du film. Absolument. Spielberg a toujours dit que la musique, c'était 40% du succès du film et qu'une grosse partie du reste tenait au fait que les requins ne marchaient pas. Il disait, si j'avais pu les montrer, ça aurait été moins intéressant artistiquement et moins terrifiant pour les spectateurs. Et l'ironie, c'est que cette musique, la première fois que John Williams l'a fait entendre à Spielberg, c'est chez lui sur son piano. Ouais. Alors, imaginez ce thème-là au piano, c'est rien. Mm. Et Spielberg vraiment pense que John Williams lui a fait une mauvaise blague. Ouais. Il dit, oui, mais où il reste? Ouais. Et là, tu dis, non, c'est ça, fais-moi confiance, il faut que tu l'entendes avec un orchestre. Et Spielberg, un peu dépité, dit, on verra. Et à l'arrivée, évidemment, il était obligé de constater que c'était le thème idéal. Ouais. Et aussi que ce thème-là a couplé une caméra subjective. À défaut de montrer le requin, on peut montrer le point de vue du requin. Ouais. D'avoir une caméra qui rôde sous l'eau en regardant les nageurs qui sont en train de nager à la surface, en écoutant ce thème-là avec une caméra qui s'approche, il y a quelque chose de propulsif là-dedans qui nous donne le point de vue du requin. C'est la rencontre parfaite. Il y a une osmose entre ce trait de génie de Spielberg, de dire on suggère, cette peur sourde, il est là, on ne le voit pas. Et la musique, c'est ça, en fait. Absolument. Et c'est vraiment, vraiment un cas où une esthétique très puissante s'est forgée d'une absence de moyens, ouais, d'une incapacité à faire fonctionner ce qui était prévu au départ. À partir de quel moment, ça va être un succès commercial fou, ce film-là, à partir de quel moment, considérant le tournage, considérant... Oui, il y a un éclair de génie à un moment donné, Spielberg pense à ça, la suggérer, cette présence du requin, mais... À partir de quel moment il se dit « Oui, c'était une bonne idée, je tiens quelque chose, ça va marcher. » Je pense qu'il en a douté longtemps, en fait. C'est aux premières previews, aux premières projections test du film qui ont lieu en mars 1975 à Dallas, qu'il voit le film monter, sonorisé devant un grand public et qu'il voit que ça marche, que ça marche même follement bien, presque au-delà de ses espérances. Et le studio s'en rend compte et c'est là qu'ils se disent « Mon Dieu, si on fout pas tout en l'air, on a vraiment un succès très important. Ouais. » Ceci dit, d'autres personnes s'en sont rendues compte au cours de route. Spielberg fait partie d'une génération de jeunes cinéastes. Beaucoup de ses amis, Brian De Palma, Martin Scorsese, George Lucas, viennent le voir sur le tournage et George Lucas, en voyant les storyboards du film, lui dit « Si tu arrives à mettre la moitié de ça à l'écran, ça va être le plus grand succès de tous les temps. » Comment il va être reçu? Bon, commercialement, un immense succès. Comment il va être reçu, ce film-là, par la critique? Écoutez d'abord, puis on en parle ensuite, Georges Privet, mais écoutez d'abord le commentaire de Minou Petrovski à l'émission Femmes d'aujourd'hui, en septembre 1975. Ce qui m'a frappé dans le film, c'est que les gens vont le voir et vont le revoir. Alors, ils crient avant même de voir la séquence. Ça, c'est assez curieux. Mais tout de même, je pense que c'est un petit peu triste, dans un sens, si vous voulez, que l'on soit attiré par la peur. Parce que la peur d'avoir peur, ou le désir d'avoir peur. Et ça, c'est Jaws, finalement, si ça a tellement de succès, c'est bien un reflet de notre société en état d'alerte. Et au lieu de pousser des cris en voyant du plastique et du sang, eh bien, je pense qu'il vaudrait mieux s'inquiéter de l'homme, pas du requin, mais de l'homme et de cette peur d'avoir peur. Moi, je l'ai vu, le film. J'ai trouvé bien fait, mais j'ai pas eu peur. Mais je suis simplement très inquiète de voir tant de monde crier au plaisir de la violence qui est liée à la peur et à l'horreur. Et je pense que ça, il faut le retenir. Il faut faire attention à ces films-là. Vous parliez, Georges Privet, un peu plus tôt, il y aura toutes sortes de théories, toutes sortes d'interprétations sur ce que nous dit ce film-là. Minou Petrovski, au fond, elle a sa propre peur de la réaction que suscite le film. Mais comment il est... Bon, je suis curieux de vous entendre sur ce qu'on vient d'entendre, puis plus largement, comment il est reçu, ce film-là, par la critique? Je pense que le film, il est généralement bien reçu parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, on est obligé de dire, comme Minou le disait dans l'entretien, dans sa critique, c'est bien fait, ça marche. Ouais. Quant à la peur d'avoir peur, pour le meilleur et pour le pire, je pense que les gens vont au cinéma pour ressentir des émotions intenses qu'ils ne ressentent pas dans la vie de tous les jours. Ça a probablement quelque chose à voir avec cette partie d'être medulla oblongata qui est encore à l'ère préhistorique et qui a besoin de s'imaginer des trucs vraiment terrifiants, qui a besoin de vivre des émotions viscérales. On l'a vu avec ça, on l'a vu avec L'Exorciste, on l'a vu avec Carrie, on l'a vu avec plein de films d'horreur, mais de manière plus large, des films à sensations fortes. Et dans ce sens-là, Jaws a fait école. Je veux dire, le nombre de films qui ont essayé de reproduire son succès, sa recette, est littéralement innombrable, de Piranha à Mégalodon qui est sorti cet été, des films qui sont littéralement des remakes déguisés ou travestis, à peine déformés de Jaws. Il y aura d'ailleurs trois suites officielles, en guillemets, qui chacune pas... pire que l'autre. Ouais. Jaws 2, Jaws 3 en 3D, Jaws 4, La Revanche, dont la vedette Michael Caine avait dit « J'ai entendu dire que c'est un mauvais film, je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'il m'a acheté une très belle maison. » Donc, je pense que ça dit à peu près tout ce qu'il y a à dire sur les suites. Les scores critiques de ces trois films-là sont inférieurs à ceux du premier film quand on va sur des agrégateurs de critiques. L'original reste de très loin le meilleur. Revenons à... Vous l'évoquez au tout début de l'émission, c'est un film qui est un bon film, qui a marqué donc l'histoire du cinéma pour son côté cinématographique, mais c'est un film qui aussi a marqué l'histoire du cinéma dans la manière dont Hollywood va décider à partir de Jazz de mettre ses films, ses super productions en marché. Absolument. Il faut savoir, c'est difficile à imaginer, mais il faut savoir qu'avant Jazz, les films ne sortaient pas partout au pays et encore moins dans le monde en même temps. Les films sortaient à New York ou à Los Angeles et après ça, petite ville par petite ville, dépendant de leur performance. Aussi, on ne sortait pas les films importants en été. Mm-hmm. L'été était considéré comme une saison morte. On se disait, il fait beau, il fait bon, il y a la plage, pourquoi les gens iraient au cinéma? Et il y a eu quelques facteurs de changement. L'expansion vertigineuse des centres d'achat, par exemple, aux États-Unis, qui contenaient tous un cinéma ou des multiplexes, un phénomène qu'ils connaissaient à l'époque, qui attirait beaucoup de jeunes. Le fait que le film ait été lancé à très grande échelle nationale dans quelque chose comme 464 salles aux États-Unis et 55 au Canada, c'était un lancement sans précédent à l'époque. Il y avait aussi l'influence des publicités à la télévision qui commençaient pour le cinéma. Avant, on n'en utilisait pas beaucoup. Donc, tout ça combiné à installer un certain type de lancement qui a été repris systématiquement par la suite avec des films comme Star Wars, ouais, qui est sorti 2 ans après ça Alien, et après ça, c'est littéralement, on a trouvé la recette, on a trouvé la formule, tant et si bien que le film sort à très grande échelle, il fait énormément d'argent, que les gens l'aiment ou non, très vite, ça fait école, et ça devient ce qu'on appelle un blockbuster. Ce qui est intéressant avec blockbuster, c'est que c'est un terme d'origine militaire, qui naît avec les années 40, ça désignait une bombe très puissante qui détruisait un bloc, un pâté de maison. Ouais. Et après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, l'expression commence à faire son chemin. Tant et si bien qu'un film qui écrase la compétition, qui démolit tout, est un blockbuster. Et ça, ce sera aussi un succès d'estime, gros succès dans le nombre d'entrées, mais 3 Oscars pour ce film-là également. Quel impact ça aura eu, puis on termine là-dessus, on disait c'est le film qu'a lancé Spielberg, quel impact ça va avoir, ce film-là, sur sa carrière? Sur sa carrière, ça a un impact phénoménal parce que, bon, après ça, il y a Rencontre du troisième type, et c'est une succession de succès, E.T., bon, on ne les compte plus. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est que Spielberg est emblématique d'une jeune génération qui voulait changer Hollywood, qui voulait en faire qui voulait faire du cinéma un art plus près des auteurs et au lieu d'obéir aux lois de l'industrie. Son succès aura ironiquement accompli exactement le contraire. Ouais. Lui, et Brian De Palma et Francis Coppola et Martin Scorsese, dans une moindre mesure, deviendront essentiellement obligés de reproduire ce succès-là et donc de générer des blockbusters qui vont nourrir les studios et pas le cinéma qu'ils cherchaient à privilégier. Tant et si bien que ce grand requin blanc, il devient une espèce de métaphore pour un cinéma qui gobe tout, qui écrase tout, qui est devenu maintenant presque le seul et l'unique qui domine la planète, même si ce n'était pas l'idée de ses initiateurs. Georges Privet, chroniqueur cinéma à l'émission Médium Large, entre autres aussi à la revue L'Inconvénient, à Mediafine. Merci beaucoup, Georges. Plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur les sites Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.